Première partie, chapitre 22e de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Première partie, chapitre 22e. Qu'il faut purifier l'âme de toutes les affections au péché véniel. À mesure que le jour croît le matin, nous voyons mieux dans le miroir les taches et les souillures de notre visage. De même, à proportion que le Saint-Esprit nous communique plus cette lumière intérieure qui éclaire notre conscience, nous découvrons plus distinctement et plus évidemment les péchés, les imperfections et les inclinations qui peuvent mettre en nous quelque opposition à la sainte dévotion. Et remarquez que cette même lumière, qui éclaire notre esprit sur nos défauts, excite encore dans notre cœur un ardent désir de nous en corriger. C'est donc ainsi, Philothée, que votre âme ayant été purifiée des péchés mortels et de toutes les affections de nos péchés mortels, vous découvrirez encore un grand fond de méchante disposition qui l'incline aux péchés véniels. Je ne dis pas que vous y découvrirez beaucoup de péchés véniels, mais que vous la trouverez remplie de beaucoup de mauvaises affections qui sont les principes des péchés véniels. Or, l'un est bien différent de l'autre, car par exemple, se plaire habituellement au mensonge est bien autre chose que de mentir une fois ou deux de gaieté de cœur. Nous ne pouvons pas nous préserver si universellement de tout péché véniel que nous ne persévérions longtemps dans cette parfaite pureté d'âme. Mais détruire en nous toute l'affection au péché véniel, c'est ce que nous pouvons, avec la grâce de Dieu, nous devons nous y appliquer. Cela étant ainsi présupposé, je dis qu'il faut aspirer à ce second degré de pureté d'âme, lequel consiste à ne nourrir en nous, volontairement, aucune mauvaise inclination à quelque péché véniel que ce soit. Car en vérité, ce serait une grande infidélité et une lâcheté bien coupable que de conserver en nous habituellement et de dessein une disposition aussi désagréable à Dieu que celle de vouloir lui déplaire. En effet, le péché véniel, pour petit qu'il soit, déplaît à Dieu, bien qu'il ne lui déplaise pas au point de nous attirer sa malédiction éternelle. Si donc le péché véniel lui déplaît, certainement cette affection habituelle que l'on a au péché véniel n'est autre chose qu'une disposition habituelle d'esprit et de cœur à vouloir déplaire à sa divine majesté. Serait-il donc possible qu'une âme bien réconciliée avec son Dieu voulût non seulement lui déplaire, mais affectionnée à lui déplaire? Toutes ces affections déréglées, philotées, sont directement opposées à la dévotion. Et comme l'affection au péché mortel l'est à la charité, elles rendent l'esprit languissant, elles éloignent les consolations divines, elles ouvrent le cœur aux tentations, et bien qu'elles ne donnent pas la mort à l'âme, elles lui causent de grandes et dangereuses maladies. Les mouches mourantes, dit le sage, font perdre à un baume précieux toute la beauté de son odeur et toute sa vertu. Il veut dire que les mouches ne s'y arrêtant que légèrement, et n'en prenant que tant soit peu de la superficie, elles ne le gâtent pas dans toute sa masse, mais que si elles y meurent, elles le corrompent entièrement. De même, la dévotion ne souffre qu'une légère atteinte des péchés véniels que l'on commet de temps en temps. Mais s'ils forment dans l'âme une vicieuse habitude, ils détruisent entièrement sa saine dévotion. Les araignées ne tuent pas les mouches à miel, mais elles gâtent leur miel. Et quand elles s'attachent à la ruche, elles en embarrassent si fort les rayons avec leur toile que les abeilles ne peuvent plus y travailler. Ainsi, les péchés véniels ne donnent pas la mort à notre âme, mais ils altèrent la dévotion, et si on les commet par une mauvaise inclination habituelle, il se fait dans l'âme je ne sais quel embarras d'habitude vicieuse et de mauvaise disposition qui l'empêche d'agir avec cette ferveur de charité, en laquelle consiste la vraie dévotion. C'est peu de chose, Philothée, que de faire un léger mensonge, de se dérégler tant soit peu, en parole ou en action, de laisser échapper à ses yeux un regard trop naturel ou seulement curieux, de se plaire un jour à la vanité des ajustements, de s'engager une fois dans quelque assemblée, de danse ou de jeu, dont le cœur puisse souffrir quelques légères atteintes. Tout cela, dis-je, est peu de choses, pourvu que nous soyons bien attentifs à défendre le cœur de l'inclination et de l'attachement qu'il pourrait y prendre, à peu près comme les abeilles s'efforcent de chasser les araignées qui gâtent leur miel. Mais si tout cela revient souvent, et si, comme il arrive toujours, le cœur y prend cette inclination et cet attachement, l'on perd bientôt la suavité de la dévotion, et toute la dévotion même. Encore une fois, quelle apparence qu'une âme généreuse fasse son plaisir de déplaire à Dieu, et s'affectionne à vouloir toujours ce qu'elle sait qui lui déplaît beaucoup. Fin du chapitre 22e. Première partie.